Pourquoi la vaccination anti-Covid ne fait pas de sens? Notre correspondant américain Kla TV est toujours désireux d'apprendre comment le problème du Covid-19 est traité au niveau international. Aujourd'hui, Kla TV vous propose une courte interview qu'elle a pu réaliser avec le célèbre Dr Takahashi. Le Dr Takahashi a donné au Japon une conférence très détaillée sur le Covid-19 et les vaccins anti-Covid, suivie d'une séance de questions-réponses. Ensuite, notre correspondant a pu le rencontrer personnellement pour un bref résumé. Mais écoutez vous-même. Docteur Takahashi, merci d'avoir accepté de participer à cette interview avec Kla TV. Très volontiers, c'est un plaisir pour moi. Je viens de vous entendre donner une fantastique conférence d'une heure en japonais pour les habitants d'ici, ainsi qu'une séance de questions-réponses d'une heure et demie. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas assez de temps pour écouter le tout en entier, pourriez-vous faire un bref résumé de ce qui a été discuté? En ce qui concerne le problème du Covid-19, nous avons deux problèmes majeurs et sérieux. L'un est un nouveau mode de vie. L'autre est le vaccin Covid-19. En ce qui concerne le vaccin, je peux vous donner un exemple. En 2018, il y a donc 3 ans, seules 3 personnes au total sont mortes au Japon des suites du vaccin contre la grippe. Mais pendant cette période du vaccin Covid-19, plus de 1300 personnes sont déjà mortes des suites du vaccin Covid-19. C'est une énorme différence entre le vaccin contre la grippe et le vaccin Covid-19. À mon avis, il y a donc 2 problèmes majeurs avec ce vaccin. Le premier est l'ARN messager injecté comme vaccin et qui peut provoquer de nombreuses modifications dans notre système ADN, ce qui pourrait occasionner des effets à long terme dans notre corps. Je crains sérieusement une telle possibilité. Une autre éventualité est que le vaccin ARN messager peut produire la protéine Spike, qui est assez toxique. Cette protéine Spike toxique peut provoquer des inflammations dans les vaisseaux, qui entraînent à leur tour des embolies, des thromboses ou des infarctus respiratoires, infarctus pulmonaires, dans différents tissus ou différents vaisseaux de notre corps. C'est la raison pour laquelle nous avons tant d'effets secondaires et de personnes décédées. Il y a donc 2 types de problèmes majeurs qui m'inquiètent. Pensez-vous que la majorité ou pensez-vous qu'un nombre significatif de Japonais comprennent la différence cruciale entre le vaccin Covid-19 et les vaccins antigrippaux précédents? Malheureusement, la télévision ou certains journaux n'en ont pas du tout parlé. Les gens sont donc très surpris lorsque j'évoque cette problématique. Ils ne sont pas du tout au courant. Il y a 3 ans, seules 3 personnes sont mortes des suites de la vaccination contre la grippe. En revanche, plus de 1 000 personnes sont déjà mortes des suites du vaccin Covid-19. Les gens ne sont absolument pas au courant. Et la population japonaise est-elle consciente qu'il s'agit d'un vaccin qui n'a pas encore été entièrement testé? Non, elle n'en a jamais été informée. Les gens pensent que le vaccin subit les procédures normales de test et c'est aussi la raison pour laquelle la télévision leur dit qu'il est sûr. Oui, il est sûr et il est très efficace. C'est ce qu'ils nous disent. Et beaucoup de personnes pensent que ce vaccin est tout à fait sûr et efficace. C'est bien triste. Avez-vous pu faire entendre votre voix dans la presse dominante, à la télévision, à la radio? Malheureusement, personne ne nous a engagés pour informer les gens à la télévision. Alors, que diriez-vous si vous aviez la possibilité de faire un petit discours d'une minute et demie à 2 minutes pour le public japonais, les médecins sur place, les administrateurs d'école et les enseignants, et surtout pour les mères et les pères qui hésitent encore à faire vacciner leurs enfants avec ce vaccin? Vous pouvez bien sûr aussi le dire en japonais. Oui, car il s'agit d'une arme chimique très dangereuse. Je leur dirai, ne le faites pas, s'il vous plaît. à vos parents, à vos enfants, à votre famille, je dirais, ne le faites surtout pas. À tous les Japonais, ce vaccin est une sorte d'arme biologique très dangereuse. Ne faites jamais vacciner vos amis, votre famille, vos enfants. C'est mon souhait le plus sincère. Alors, merci beaucoup, Dr Takahashi. J'espère que tout le monde au Japon regardera l'ensemble de cette présentation et la séance de questions-réponses. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Thank you very much.